je vais bien. Je manque de rien. Quelle vie de chien. Je comprendrai jamais. Nourri, logé et ventre gratté, sans rien demander, sans même aboyer. Le matin, sieste à point. Quelle vie de chien. Et à peine sorti, voilà Chirac en motocrotte qui me suit, au cas où je m'oublie, dans les rues de Paris. Elle me déroule la sincérité de cet amour canin que vous nous portez. Peu vous en coûte quand l'être aimé est aussi votre obligé. Après le bain, tels les coussins. Quelle vie de chien. Et d'un œil regarder les infos pour encore vérifier ce que les bêtes ont fait, ce qui ne m'est pas arrivé. Puis vers le tard, un défilé de beaux chiens en costard, au look aussi bizarre qu'un Lagerfeld des grands soirs. Compte-t-elle tout ces femmes à me toucher avec tant de familiarité, est-ce sans doute un code secret entre elles et mon maître bien-aimé? We'll be right back. merci bien. Chers humains, quelle vie de chien.